Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire X-13, l'as des espions canadiens. Il faut penser, par exemple, qu'X-13, ça s'est publié pendant 20 ans. Ça a tiré de 20 à 30 000 exemplaires par semaine pendant 20 ans. C'est une quantité absolument extraordinaire quand on sait qu'un succès de librairie époustouflant aujourd'hui au Québec, c'est 20 000 exemplaires d'un livre une fois. Le professeur de littérature Denis Saint-Jacques à l'émission Antenne 5, diffusée en 1980, les chiffres qu'on vient d'entendre parlent d'eux-mêmes. De 1947 à 1966, on peut vraiment dire que le Québec se passionne pour les aventures de l'agent secret X-13. Plus qu'un simple succès d'édition d'ailleurs, X-13 fait véritablement partie de la culture populaire du temps, si bien que Jacques Godbout va décider d'en faire un film avec la complicité du groupe d'humoristes Les Cyniques. Le film sort en 1972. Un film qui est en fait une parodie des aventures de l'as des espions canadiens. Je vous conseille de lire et de faire lire les aventures étranges de l'agent X-13, l'as des espions canadiens. X-13, the French Canadian dream, the Monday night program, peanut popcorn ice cream. Les Cyniques m'avaient suggéré, en les voyant, qu'ils pouvaient jouer tous les rôles de cette espèce de roman abracadabra qui s'appelait X-13, qui était l'histoire de l'as des espions canadiens-français. Oui. Un personnage bilingue et même polyglotte, qui menaçait d'épouser Gisèle, une Française, sa copine en espionnage, dont il reportait le mariage continuellement, comme s'il avait peur du mariage, qui avait un ami qui était un Marseillais, Marius Lamouche. Marius Lamouche avait un accent beaucoup plus grand, beaucoup plus affecté que celui d'X-13, le Canadien français, ce qui lui permettait d'avoir l'air de parler français, probablement. Et des ennemis. Alors, Von Trasch, un Allemand, et surtout Taya, la reine des communistes chinois. La chanson X-13, interprétée par Louise Forestier, vous entendiez aussi dans cet extrait le réalisateur du film X-13, Jacques Godbout, le 15 mars 2014 à l'émission Samedi et rien d'autre. Pour nous parler de ce phénomène X-13, je reçois le chroniqueur cinéma Georges Privet. Georges Privet, bonjour. Bonjour Jacques. Avant d'être un film donc, puis on va y revenir sur ce film-là qui vaut vraiment le détour, mais c'est d'abord et avant tout, avant d'être ce film culte que ça va devenir X-13, un immense succès d'édition. Oui, aujourd'hui, absolument inimaginable. On parle de 934 fascicules d'environ 32 pages, chacun qui était publié à un rythme à peu près hebdomadaire, à raison de 30 000 ventes par numéro, donc 21 millions d'exemplaires écoulés. C'est hallucinant. Ouais. Et c'est un succès qui a entraîné dans sa foulée beaucoup d'autres feuilletons du même genre, aujourd'hui oubliés. Alors, parmi lesquels, je vous les récite parce que les titres sont savoureux. Le génial espion X-14, agent secret canadien. Les dangereux exploits du sergent Colette UZ-16. Les fantastiques exploits de Monsieur Mystère. L'espion numéro 13, K-7, agent Z et ZED-29. Ouais. Ça témoigne d'un délire populaire hallucinant. Et ce qui m'a beaucoup surpris en creusant le sujet, c'est que tout ça s'est fait avant OSS 117 et même avant James Bond, qui sont venus après. Le premier X-13 date de 47, OSS 117 date d'août 49, et James Bond a été créé par Ian Fleming en 1953. Ouais, ça, c'est étonnant, vraiment c'est étonnant. C'est très étonnant. Donc, le premier espion, personnage d'agent secret là, sur lequel va se développer toute une série d'œuvres, c'est l'as des espions canadiens, Georges. Ce qui est d'autant plus stupéfiant qu'à l'époque, il n'y a pas de service secret québécois, ce qu'on sache. Donc, c'est vraiment une pure création de l'imaginaire. Puis aussi, je pense, une volonté, c'est peut-être certainement une des choses qui a intéressé Godbout, de se projeter dans le monde, de se fantasmer dans un monde monde où on lutte contre les espions chinois, contre les nazis, où on est récompensé, honoré par la Grande-Bretagne, où on va parfois même aider les Américains, parce que tout ça témoigne de l'imaginaire de l'époque. C'est ce qui est fascinant aujourd'hui, ouais. Et c'est ce qui est fascinant dans le film que Jacques Godbout a tiré de tout ça. Et l'homme derrière X-13, c'est un comédien, un chanteur aussi, Pierre Deniau. Puis je lisais en préparant le dossier qu'effectivement, pour rajouter à ce que vous disiez, il va devoir l'inventer. Il n'y en a pas à l'époque de service secret canadien. Il faut qu'il invente un petit peu ce que ça pourrait être. Qui est-il, Pierre Deniau? Pierre Deniau, c'est quelqu'un qui a écrit X-13 sous le pseudo de Pierre Sorel et qui était, bon, un comédien, un folkloriste très connu, chanteur, metteur en scène, animateur. Il a eu une vraie carrière à côté d'X-13. Ah, absolument. Mais la plupart des gens le connaissaient encore aujourd'hui comme l'interprète du père Ovide dans Les belles histoires des Pays d'en haut. Et c'est d'ailleurs un rôle qu'il avait hérité de son père, Eugène Deniau, qu'il tenait avant lui. Donc, il est très connu aussi comme animateur d'émissions folkloriques, genre la soirée de chez nous à Radio-Canada, des recueils de chansons. Bref, c'est un personnage très connu. Il a créé X-13 très jeune, je pense qu'il avait 22 ans. Et il aura passé la suite de sa vie à essayer de recapturer ce genre de succès-là absolument unique avec des personnages comme Le Manchot, par exemple, qu'il avait créé. Mais bon, X-13, ça reste et de loin son œuvre la plus populaire. Ouais, même s'il fera d'autres, s'essaiera à d'autres séries de romans. Parlons un petit peu de l'univers d'X-13. Vous l'avez à peine évoqué. Qui est-il d'abord, X-13? Oui, c'est un agent secret, mais encore. Et que racontent donc ces six populaires romans feuilletons qui vont vraiment passionner le Québec pendant 20 ans? Bien, il faut dire que X-13, il est né dans une tradition de pulp fiction, de serials, de romans feuilletons qui est américaine, qui est planétaire, mais dont c'est vraiment le premier, le plus grand représentant québécois. Et donc, son univers, qui est celui d'un exotisme frelaté, est assez emblématique de l'époque. Donc, X-13, dans le civil, c'est Jean Thibault, 25 ans, joueur de tennis vedette, ouais. qui, à l'entrée de l'Angleterre dans la Seconde Guerre mondiale, décide qu'il y a mieux à faire que de jouer au tennis et qui va suivre des cours et qui va devenir un espion qui va s'engager auprès de l'Angleterre. Il va adopter le pseudonyme X-13 et très vite, dans ses aventures, il va aller faire le tour du monde. On va le suivre partout, de l'Algérie au Tibet, de l'Allemagne au Sahara. Il est vraiment l'espion international. Et dans ses aventures, il est aidé par un jeune Marseillais, Marius Lamouche, qui fait aussi la connaissance d'une jeune femme dont il va tomber amoureux, Gisèle Tiboeuf. Bref, c'est l'univers qu'on va voir dans le film de Godbout, ouais. Mais ce qui c'est en termes purement romanesques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette popularité incroyable du roman feuilleton, ben elle est auprès d'un public qui ne sera pas du tout celui du film. Mm-hmm. Le roman feuilleton s'adresse à un public urbain, relativement peu scolarisé, très populaire, alors que le film va exister presque contre un peu le roman feuilleton, va viser un public qui est plus universitaire, c'est plus un film d'auteur, et c'est un film en décalage par rapport à l'univers du roman feuilleton. Donc, c'est une adaptation du roman feuilleton, mais avec un regard, une distance ouais. affectueuse, mais aussi très ironique. Ouais. Vous parliez de James Bond, X-13, comme les autres, OSS 117, comme James Bond, s'accroche un petit peu à... C'est un agent secret, donc aux grandes questions géopolitiques de l'heure. Et lui, donc, ça commence juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est encore là-dedans. Les premiers méchants, c'est les nazis. Puis ça va changer au fil du temps, Georges Privet. Absolument. Ben, il va y avoir deux grandes périodes dans le roman feuilleton, la période nazie et la période communiste. Ouais. Au fur et à mesure, il va rattraper l'actualité. Vers la fin de sa popularité, il va même se rendre à l'Expo. Il va avoir des aventures à l'Expo. Il va même avoir des aventures spatiales. Il va avoir une aventure qui s'intitule « La planète mystère, les vampires de l'espace ». Il va avoir aussi une période Playboy, ouais. où ça va être X-13, les Cowgirls et orgie à la chinoise. Mais l'essentiel de ses aventures, à l'époque où il est très populaire, porte des titres comme « Nazi à Ottawa »,« Sous-marin au Labrador » ou « Hitler au Canada ». Donc, on est dans l'actualité géopolitique ouais. de l'époque, mais décalée et vue d'une perspective québécoise. Gentlemen, j'ai une mission pour vous deux. Et je crois qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Nous vous écoutons, colonel. Smiley est le chef du service secret canadien. C'est un homme d'une intelligence supérieure. X-13 est son meilleur agent. Nous avons fait une enquête parmi notre personnel, mais nous n'avons rien découvert. X-13 était un héros populaire, un héros type-hop, autant que le cardinal Léger ou Maurice Richard. Et c'est ce personnage-là qui m'a séduit, parce que quand j'ai revu les petits romans après plusieurs années, je me suis rappelé les avoir lus, je me suis rappelé comment on était nombreux les avoir lus, et comment, dans le fond, c'était la base de notre culture à ce moment-là. De là, l'idée d'en faire un film, mais le film est passé par un million d'étapes jusqu'à aboutir à une comédie musicale, parce que si on voulait charrier là-dedans plus de choses que simplement l'histoire, il fallait pour nous retourner jusqu'à un certain point à l'absence de source de notre culture. C'est-à-dire que l'histoire se passait en 1950, mais en 1950, on écoutait Tino Rossi, on écoutait Charles Trenet, on aimait certaines chansons américaines, tout nous venait d'ailleurs. Je veux le nom du chef, celui qui dirige le réseau, ici à Orwa. C'est peut-être reconnu notre collègue Marc Laurendeau qui interprète le rôle du colonel Smiley dans cet extrait du film X-13. Vous entendiez aussi Jacques Godbout à l'émission Leur violon d'Ingres en février 1972 dans cet extrait. Jacques Godbout, donc, Georges Privet, qui décide de se lancer dans cette aventure d'X-13, ce qui, a priori... Moi, j'avais oublié que c'est lui qui avait réalisé ce film-là et je m'en suis étonné, en fait. Mais c'est très étonnant. Il faut dire que faut se remettre dans le contexte de l'époque. Jacques Godbout, c'est un écrivain sérieux et respecté, surtout connu pour Salut Galernon à l'époque, mais c'est aussi un cinéaste qui a fait, bon, quelques films. Il a fait Yule 317, si ma mémoire est bonne, qui est un film d'une tradition européenne, à la personnalité un peu empruntée. Il a fait aussi Quai du Sentiment, qui est un peu sur le phénomène hippie qui se passe à ce moment-là et qui commence à gagner le Québec. Mais c'est un cinéaste assez sérieux. Ouais. Là, il s'éclate complètement dans ce film avec les cyniques et il témoigne d'un humour puis d'une espèce de délire esthétique qui, non seulement ne ressemble à rien de ce qui se fait ici ou ailleurs, mais qui lui ressemble pas du tout. Ça reste vraiment un ovni dans sa filmographie. Ouais. Et c'est là où on peut rattacher ça à son œuvre de manière assez évidente, c'est que c'est essentiellement sur des questions identitaires. C'est-à-dire que c'est sur l'espèce de transition entre le Québec de la grande noirceur vers celui de la Révolution tranquille. Et c'est l'histoire un peu d'un Québec où tout le monde porte des masques, tout le monde se cherche une identité et en essayant de forger ce que deviendra l'identité québécoise. Godbout avait dit à l'époque que le film se commençait et se terminait à l'église et que c'était pas un hasard parce qu'à l'époque, dans les années 50, la seule chose qui était vraie, c'était l'église. Et que tout le reste était, comme il le disait en parlant de Tino Rossi, emprunté à gauche et à droite, qu'il parlait d'un Québec qui était replié sur lui-même, d'où la notion de décor, même dans les scènes extérieures, tout est fait en studio, dans des corps manifestement faux. C'est un peu l'autopsie, une plongée dans un imaginaire emprunté où tout, la musique, les décors, les costumes et une version travestie de quelque chose d'autre et où tout le monde tient à 5 ou 6 personnages qui jouent des doubles ou des triples rôles. Et là où on reconnaît Godbout, effectivement, cet intellectuel, Jacques Godbout, c'est dans le regard, c'est le regard du sociologue, au fond, qui regarde sa société et qui se dit pourquoi cette affaire-là, ces romans, feuilletons, etc., ça a autant marché dans ce Québec-là. C'est ça son point de départ. Ah, absolument. Puis je pense que c'est un point de départ fascinant parce qu'ils témoignent de par leur côté factice, de par leur côté décalé. Comme on l'a dit, bon, il n'y avait pas de service secret québécois à l'époque, d'un monde de pure invention, mais d'invention empruntée, où tout d'un coup, bon, on se retrouve à lutter contre les Chinois ou les nazis ou les deux en même temps. Donc, ça témoigne beaucoup de l'imaginaire de l'époque puis de cette volonté très, très forte de se forger une identité à travers tout ça. Mais c'est plus de la lutte, ça! Qui c'est ça, ce fou-là, qui m'a gâché tout mon programme? Arrêtez-le, vous entendez? Allez le chercher, amenez-le au poste! Je vais porter plainte! Monsieur Longtemps... Ah, vous, Gendron, laissez-moi tranquille! Vous vous énervez pour rien. Non, mais ça prend-il un Simonac de fou? Mais vous vous rendez pas compte, Longtemps? Mais réfléchissez un petit peu! Mon protégé vient de soulever la foule comme jamais un de vos lutteurs l'a fait. Si vous organisez un combat entre mon protégé, Hercule, puis votre Allemand, Kraff, l'aréna sera jamais assez grand. Ben, votre Français, là, c'était Simonac d'Impe! Félicitations! C'était très bien! Très, très, très, très bien! Je savais que vous compreniez. Très bien! Mais, accepterez un cigare de ma part, il est pas fort. À nouveau, Marc Laurendeau avec André Dubois, cette fois dans un extrait d'X13. Parlons du film comme tel, Georges Privet. Comment décrire cet objet filmé non identifié? On est devant quoi? On est devant quelque chose d'excessivement rare au Québec, surtout à l'époque, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire un film qui aborde des genres auxquels on ne touche pas. La comédie musicale, le film d'espionnage, puis qui se double aussi d'un regard très affectueux sur un Québec qui est en train de disparaître à ce moment-là, le Québec cola, les chips duchesses, les romans 5 sous. Et tout ça est fait avec une touche postmoderne qui en fait peut-être le premier film postmoderne du cinéma québécois, c'est-à-dire que le film est auto-référentiel. Dès le début du film, on a le prêtre qui recommande la lecture des aventures d'X13. Donc, il y a un immense clin d'œil auquel participe évidemment très manifestement la participation des cyniques sur une culture kitsch, mais qui est traitée d'une manière, et là encore, le film est absolument unique, complètement flamboyante. Ouais. Et on compense aux décors de Claude Lafortune qui sont des décors de couleurs primaires, criardes. C'est un fait intéressant à noter, c'est que Jacques Godbout est daltonien, ce qui explique peut-être aussi la palette de couleurs très particulière du film. Et avec des chansons où, comme pour tout le reste dans le film, où tout est emprunté, c'est-à-dire que François Dompierre a des références au parapluie de Cherbourg qui sont très populaires à l'époque. Donc, on est dans un objet qui emprunte à gauche et à droite et qui, ce faisant, forge une esthétique vraiment unique, très particulière, dont la critique ne saura pas trop quoi faire à l'époque. Ouais. Une des choses intéressantes, c'est que ce film-là sort. Bon, il est généralement bien reçu, mais il y a une grande surprise, c'est qu'on découvre qu'il attire un tiers de ses spectateurs sont des enfants. Ouais. De 10, 11, 12 ans. J'en faisais partie, je pense que vous J'en en faisiez. J'en faisais partie. J'ai vu ça au cinéma, gamin. Ouais. Et je pense qu'on était attirés par l'esthétique, par l'affiche dessinée qui faisait bande dessinée, par les ciné qu'on connaissait quand même déjà à l'époque, même si on était très jeune. Donc, on sentait qu'il y avait un objet là absolument unique. Et on ne s'est pas trompé parce que, 50 ans après ou presque, ça reste une œuvre vraiment singulière et dans le cinéma québécois et dans la filmographie de Jacques Godbout. Qu'est-ce qui... On a parlé de la vision, de ce que voulait faire Jacques Godbout, pourquoi il s'intéresse à X-13, ce qu'il veut en faire. Mais évidemment, vous l'avez dit, les cyniques font partie de l'ADN du film. Qu'est-ce qui appartient à... Est-ce que les cyniques auraient pu faire ça sans Godbout? Qu'est-ce qui appartient à Godbout? Qu'est-ce qui appartient aux cyniques là-dedans? Je pense que la volonté de poser un regard sur les récits de Pierre Desnoux disaient sur l'identité québécoise, c'est clairement quelque chose qui appartient à Godbout. Ouais. Je pense que la folie des cyniques a comme renforcé ou donné un élan et un souffle supplémentaire à celle de Godbout. Et que Godbout amène à un 29e degré. Absolument. Donc, je pense que leurs forces sont admirablement bien complétées et qu'ils se sont poussés mutuellement à aller dans un sens. Puis, en même temps, ils se rejoignaient sur beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du film, les cyniques sont identifiés et je pense que 3 des 4 sont des membres du barreau. Bon, ça prenait Godbout pour mettre ça en évidence et pour le rappeler. Donc, il y a quelque chose quand même de cartésien, de sérieux derrière cet humour-là. Je pense que c'est une des meilleures rencontres, si vous voulez, entre un metteur en scène qui a une vision et des humoristes qu'il y a dans toute l'histoire du cinéma québécois. Qui m'appelle? Vous attendiez X13, le seul porteur d'eau français qui a réussi. Qui m'appelle? Vous attendiez X13, comme on attend la vérité, la voie, la vie. Dois-je me rendre à Tokyo, Moscou, Pontuchéry? Dois-je me rendre à Paris? Dois-je me rendre à Londres, à Rio, en Colombie? Watch out, les communistes sont pas mieux que finis. La chanson « Qui m'appelle » interprétée par André Dubois. On vient d'entendre un petit bout de chanson, Georges Privet, mais qui résume tout le film, en fait. Il y a le son cynique, il y a la musique de Dompierre, de François Dompierre aussi, qui est importante. C'est une comédie musicale, d'abord et avant tout. C'est une comédie musicale, d'abord et avant tout, et Dompierre est au sommet de sa forme. Je veux dire, c'est un film, une des raisons pour lesquelles c'est devenu un film culte, car c'en est un, tient beaucoup à la qualité des chansons qui sont tantôt parodiques, tantôt véritablement belles par elles-mêmes, et à l'interprétation qu'en donnent et les cyniques et Louise Forestier. C'est Vous savez, pour qu'un film devienne culte, il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments que les gens aiment citer. Il faut qu'il y ait des répliques récurrentes, il faut qu'il y ait des scènes que les gens aiment évoquer. Et s'il y a de la musique, il faut qu'elle soit mémorable. Et celle de Don Pierre dans ce film est particulièrement mémorable. Et je connais personne qui puisse entendre ça sans avoir un sourire aux lèvres. Ouais. Et puis cet univers, peut-être que ça ramène un paquet de monde, comme vous et moi, à leur enfance, parce qu'on l'a vu très, très jeune, mais cet univers carton-pâte est complètement fou. Est complètement fou, et il est très habilement pensé. C'est-à-dire que tout à l'heure, on entendait un extrait de la scène qui se déroule dans le monde des lutteurs. C'est pas un hasard. La lutte, c'est aussi l'exotisme frelaté, le lutteur qui vient de tel pays face à celui de tel autre. Ça a aussi le côté cirque, très coloré que le film. Ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est un film qui utilise très habilement ses limites de production, c'est-à-dire qu'il avait un budget serré, 250 000 $ qui est monté à 300 000 à cause de la musique, ce qui était une dépense considérable pour l'époque. Godbout a donc écrit le scénario en fonction des éléments de décor, des accessoires qu'il savait qui étaient accumulés dans les stocks de l'ONF depuis 20 ans, mais aussi, il a construit le scénario en fonction du fait qu'il y avait 25 jours de tournage. Donc, il y avait 25 décors et à la fin de chaque journée de tournage, un décor était démoli, un autre était construit pour la journée du lendemain et il arrivait parfois qu'un décor qui devait être prêt à 18 heures ne soit pas à temps et que donc des scènes qui auraient été plus découpées étaient filmées en plan séquence. Donc, ça a forcé aussi une esthétique. Le film est le résultat de tout ça, mais c'est le meilleur résultat possible de tout ça. Je pense que les cyniques étaient à leur apogée. Je pense que Louis Forestier est extraordinaire. Je pense que Godbout s'est lâché lousse, comme il ne l'a jamais fait de sa carrière. Et ça donne ce film qui est vraiment devenu un classique. Et complètement, et carrément, et entièrement unique. Absolument. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Absolument. Ni ici, ni ailleurs, ni ici, ni ailleurs, et qui forme avec l'œuvre originale de Desnoyers un diptyque assez fascinant sur l'identité québécoise. Ouais. Son volet naïf, son volet plus cynique, c'est le cas de le dire. Les deux œuvres mises ensemble, comparées l'une à l'autre, témoignent vraiment de leur époque, du gouffre entre la grande noirceur et les révolutions tranquilles, puis occupent, je pense, une place vraiment unique dans l'histoire de la culture québécoise. Georges Privet, toujours un bonheur de vous recevoir, chroniqueur cinéma à notre radio, à la revue L'Inconvénient, entre autres. Merci, Georges. Plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et Éric Saint-Pierre. Recherche archive, Mario Bolduc. Au site Internet, Ronald Georges. À la technique aujourd'hui, Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Faites de l'air, faites de l'air, faites de l'air. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-le. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-le. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-le. Arrêtez-moi, arrêtez-moi. Arrêtez-moi, arrêtez-moi.